Chapitre 22e, le jour des funérailles. Harry Clavering, après la scène que nous avons racontée, n'éprouvait pas un bien vif contentement quand il partit pour Clavering. Qu'il eût été parjure ou non, toujours est-il qu'il ne pouvait l'être sans remords et sans de douloureux tourments. Il ne lui paraissait même pas possible qu'il fût tout à fait parjure à Florence. Il ne lui venait même pas à la pensée qu'il pût se dégager des liens qui l'attachaient à elle. Il aurait dû, selon sa coutume, écrire à Florence un jour ou deux avant de quitter Londres, et en rentrant chez lui, le soir, il avait résolu de le faire, mais quand il voulut commencer, il lui fut impossible d'écrire une pareille lettre. Que dirait-il à Florence qui ne fût entièrement faux? Comment pouvait-il lui dire qu'il l'aimait après ce qui s'était passé dans Bolton Street? Mais que devait-il faire à l'égard de Julie? Il était tenu d'honneur de lui dire quelle était sa position et de lui faire comprendre qu'en lui parlant d'amour, il n'avait fait que l'insulter. Cet air de satisfaction avec lequel elle lui avait dit adieu restait présent à son souvenir et le tourmentait. Il faudrait maintenant lui ravir cette joie, et le plus tôt possible. En conséquence, le jour de son départ, le matin, il essaya, mais en vain, d'écrire quelques mots à Julie. Il ne put y réussir. Il n'avait pas le courage de lui dire qu'il avait joué avec ses chagrins et qu'il l'avait insultée en lui parlant d'amour. Si cette affreuse polonaise n'avait pas été là, la chose eût été plus simple. Harry, en se disant cela, oubliait que, sans l'arrivée de Sophie, il fût tombé d'un danger dans un autre, qu'il se serait avancé plus qu'il ne l'avait fait, qu'il aurait fait des serments qu'il eût été aussi honteux de violer que de tenir. Mais n'avait-il pas fait de serment? N'y avait-il pas un serment dans ce baiser brûlant, dans ces paroles qui lui étaient échappées, dans ce serment de main? Il ne put non pas écrire cette lettre le matin, pressé qu'il était par l'heure du départ, et il partit pour Clavering en se disant qu'il écrirait de la maison de son père. Ce fut un triste voyage, et il arriva tout abattu chez son père, mais comme il était venu pour un enterrement, on ne remarqua pas son air, qui aurait paru étrange dans une autre circonstance. Son père avait revêtu lui aussi cette expression grave et triste qui est de mise en pareille occasion, et sa mère pensait encore au chagrin de Lady Clavering, qui avait passé 2 ou 3 jours dans le presbytère. « Avez-vous vu Lady Ongar depuis qu'elle a su la mort de l'enfant ?» lui demanda sa mère. « Oui, je l'ai vue hier soir. »« La voyez-vous souvent ?» lui demanda Fanny. « Que voulez-vous dire par le mot « souvent »?»« Non, pas souvent. »« Je l'ai vue hier soir parce qu'elle m'avait chargé d'une commission. »« Je l'ai vue en tout 3 ou 4 fois. »« Est-elle aussi jolie qu'autrefois ?»« Je ne saurais vous dire, je n'en sais rien. »« Vous la trouviez très belle autrefois, Harry ?»« Sans doute, elle est belle. Personne n'en a jamais douté. » Mais quand une femme est en grand deuil, on ne pense guère à sa beauté. « Je croyais que les jeunes veuves ont toujours un charme particulier, » dit Fanny, « et quand on songe à Lord Ongar, elle ne paraît pas une veuve comme les autres. Je n'en sais rien, » dit-il. Il sentit qu'il perdait la tête et ne savait plus ce qu'il disait. Il lui était impossible de parler de sang-froid au sujet de Lady Ongar. Fanny vit que cela lui déplaisait et s'arrêta. « Lady Ongar, » dit-elle, a écrit une charmante lettre à votre mère au sujet du pauvre enfant et de sa mère. Je voudrais bien que Hermione pût aller la rejoindre pour quelque temps. Je crains que son mari n'y consente pas, dit Mrs. Clavering. Je ne comprends pas tout cela, mais Hermione dit qu'entre Hughes et sa sœur, l'amertume est plus grande que jamais. Et Hughes ne sera pas le premier à abjurer ses sentiments, dit le recteur. Le lendemain eurent lieu les funérailles. Harry se rendit avec son père et son cousin au cimetière. Quand il vit Sir Hughes dans la salle à manger du château, le baronnet lui parla à peine. « C'est un triste événement, » dit Archie. Harry s'aperçut bientôt que Hughes dirigeait un regard plein de colère sur son frère, parce qu'il haïssait toute affectation, et que dans la bouche d'Archie, ses paroles étaient doublement affectées et menteuses. Archie était désormais l'héritier du titre et du domaine. Après les funérailles, Harry se rendit auprès de Lady Clavering et eut à subir une nouvelle conversation au sujet de Lady Ongar. Julie lui avait recommandé d'insister auprès d'Hermione pour qu'elle quittât provisoirement Clavering. « Dites-lui de ma part, avait-elle dit, que j'irai où elle voudra, si elle veut que je l'accompagne, et tâcher de la persuader. Elle comprendra pourquoi je ne l'ai pas écrit moi-même. Je sais qu'il lit toutes ses lettres quand il est à la maison. » Harry avait à s'acquitter de cette commission et en rendre compte à Lady Ongar. Lady Clavering l'écouta parler, et quand il la pressa de répondre, elle se contenta de secouer la tête. « Et pourquoi pas, Lady Clavering? On ne peut pas toujours quitter sa maison et s'en aller comme on veut. mais j'aurais cru que vous le pouviez facilement maintenant. Sir Hughes veut-il rester à Clavering ? Il ne m'a pas dit qu'il eut l'intention de s'en aller. S'il reste, je comprends que vous restiez, mais s'il va à Londres, je ne vois pas pourquoi vous et votre sœur, vous ne vous en iriez pas ensemble. Elle m'a parlé de Tenby comme d'un endroit fort calme, mais elle vous laissera choisir l'endroit qu'il vous plaira. Ce ne sera pas possible, Harry. Dites-lui que je lui suis très obligé, mais que je ne crois pas à la chose possible. Elle, au contraire, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Oui, elle est libre, mais voulez-vous dire... Je veux dire, Harry, que je ferais mieux de rester où je suis. À quoi bon avoir une scène avec mon mari et me faire refuser ? N'en parlons plus, et dites-lui que ce n'est pas possible. Harry promit de faire sa commission, et avant qu'il partît, elle lui fit soudain une dernière question. « Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit au sujet de Julie et d'Archie ?»« Oui, je me le rappelle. Eh bien, a-t-il quelque chance ?»« Il me semble que vous le voyez plus sûrement que personne d'entre nous. Il n'a aucune chance, à mon avis. » Harry, en répondant, ne pouvait se défendre d'un sentiment de déraisonnable jalousie. « Ah, vous avez toujours fait peu de cas d'Archie. Sa position n'est plus la même à présent, depuis la mort de mon enfant. Il va se marier, sans doute, et Hughes voudra le voir marié à Julie. C'est lui qui a eu cette idée. Il n'approuve jamais que ce qu'il a proposé. C'est lui qui a fait conclure le mariage de Lord Ongar. Est-ce qu'il s'en applaudit ? Eh bien, vous le savez, Julie a son argent. » Harry, en entendant ces mots, se détourna avec un mouvement de dégoût. Le pauvre enfant dont la mère lui parlait venait d'être enterré le matin même, et déjà, elle faisait de nouveaux projets pour la fortune de la famille. Julie avait l'argent. Cela lui paraissait à elle une compensation suffisante pour tout ce que sa sœur avait souffert et souffrait encore. Pauvre femme. Harry ne songeait pas qu'en tout cela Hermione ne cherchait qu'à obtenir la paix en satisfaisant les désirs de son mari. « Pourquoi donc, dit-elle, Julie n'en voudrait-elle pas ?»« Je n'en sais rien, mais elle ne voudra jamais de lui, » dit Harry presque en colère. En ce moment, la porte s'ouvrit et Sir Hughes entra. « Je ne savais pas que vous fussiez ici, » dit-il en se tournant vers Harry. « Je ne pourrais guère venir ici sans dire quelques mots à Lady Clavering. Le moins possible sera le mieux pour le moment. » Mais ni son air ni son ton n'indiquaient aucune intention blessante, et Harry prit ainsi ses paroles. « Je disais à Lady Clavering qu'elle ferait bien de quitter la maison pour quelque temps. Et pourquoi disiez-vous cela à Lady Clavering ?»« J'ai répondu que je ne sortirais pas, » dit la pauvre femme. « Mais pourquoi et où irait-elle et pourquoi ce conseil ?» « Comment se fait-il que vous preniez à cela quelque intérêt ?» Sir Hughes, en adressant ses questions à son cousin, avait un air offensant, volontairement offensant. Il regardait Harry en face et tournait le dos à sa femme. « Sans doute, » reprit-il, « Lady Clavering vous est très obligée, mais quelle raison particulière avez-vous de lui donner un pareil conseil à un pareil moment ?» Harry n'avait pas parlé comme il l'avait fait sans quelque intention. Il se souciait peu de son cousin et de sa colère. Pour le moment, ce qu'il voulait, c'était de remplir la commission de Lady Ongar, et il avait pensé que Sir Hughes ne s'opposerait peut-être pas à une proposition que sa femme était trop timide pour lui faire. « C'est, dit-il, sa sœur qui m'a chargé de cette commission pour elle. Sur ma parole, c'est bien de la bonté de sa part. Puis-je savoir en quoi elle consiste, si toutefois ce n'est pas un secret entre vous ?»« Je n'ai pas de secret pour vous, » dit sa femme. « Voyons donc ce que dit Harry. » Lady Ongar a pensé qu'il vaudrait mieux pour sa sœur qu'elle quitte à Clavering pour quelque temps. Il s'est offerte à l'accompagner où elle voudra. Voilà tout. Et pourquoi, dites-moi, Hermione quitterait-elle sa maison? Et si elle la quitte, pourquoi irait-elle rejoindre une femme qui s'est déshonorée? Oh, Hughes! S'écria Lady Clavering. Lady Ongar ne s'est jamais déshonorée, dit Harry. Êtes-vous son champion? Jusque-là, oui. Non seulement elle ne s'est pas mal conduite, mais depuis son retour en Angleterre, elle a été cruellement traitée. Par qui ? Par qui ? Dit Sir Hughes, s'avançant vers son cousin et le regardant d'un œil courroucé. Mais Harry n'était pas homme à se laisser intimider par qui que ce fût. Par vous, dit-elle, vous, son beau-frère, vous qui avez conclu son affreux mariage, vous qui, plus que personne, étiez tenu de la protéger. Oh, Harry, taisez-vous ! S'écria Lady Clavering. « Hermione, taisez-vous aussi, » dit l'impérieux mari. « Ou plutôt, sortez d'ici et laissez-nous. J'ai à dire deux mots à Harry Clavering en particulier. Je ne sortirai pas si vous voulez vous disputer. Harry, » dit Sir Hughes, « je vous prierai de descendre avant moi. Je vous rejoindrai dans la salle à manger si vous voulez bien y aller. » Harry Clavering sortit, et au bout de 2 minutes, il était rejoint par son cousin. « Sans doute, vous avez voulu m'insulter quand vous m'avez ainsi parlé ?» Le baronnet dit ces mots après avoir soigneusement fermé la porte et avoir pris sa place habituelle auprès de la cheminée. « Non, pas le moins du monde. J'ai voulu seulement prendre le parti d'une femme malheureuse que vous avez calomniée. Écoutez, Harry, je ne souffrirai pas que vous vous mêliez de mes affaires, ici ou ailleurs. Vous êtes un charmant garçon, mais ce n'est pas votre affaire de mettre l'ordre dans ma maison. Après ce que vous avez dit devant Lady Clavering, vous ferez bien de ne plus venir ici durant mon absence, ni durant votre présence non plus. Pour cela, comme vous voudrez. Quant à ma belle-sœur, je vous recommande de vous occuper de votre propre besogne. Je m'occuperai de quoi il me plaira. » Sur Lady Ongar et la vie qu'elle a menée depuis son mariage, vous êtes bien moins renseigné que personne. Et ce n'est pas elle qui vous en apprendra long là-dessus. Elle vous a autrefois tourné la tête et il est possible qu'elle le fasse encore. Vous venez de dire que vous ne voulez pas qu'on se mêle de vos affaires. Ne vous mêlez pas des miennes. Je ne sais pas si vous avez des affaires quelconques. On m'a dit que vous êtes fiancé à cette jeune fille que votre mère a amenée un jour ici à dîner. Si cela est, je ne vois pas trop comment vous pouvez vous ériger en champion de Lady Ongar. Je suis son champion quand il s'agit de défendre sa réputation que vous attaquez. Vraiment, votre assurance est merveilleuse. Qui donc la connaît le mieux, de vous ou de moi? Vous m'avez dit que j'étais cruel à son égard. Je n'accepte pas cela et j'exigerai que vous me fassiez des excuses. Je n'ai pas d'excuses à faire et rien à rétracter. Eh bien, je ferai connaître à votre père votre conduite et lui dirai que je me suis vu forcé de chasser son fils de ma maison. Vous êtes un impertinent, et si vous ne portiez pas le même nom que moi, je dirai au laquais de vous chasser d'ici à coups de fouet. Vous savez bien que le laquais ne vous obéirait pas. C'est bien à vous plutôt qu'il donnerait des coups de fouet. Je crois parfois qu'ils le feront, quand je vous entends leur parler. Sortez ! Sans doute, je sortirai. Qu'ai-je donc fait qui me retiendrait ici ? Sir Hughes ouvrit la porte et Harry sortit, non sans redouter quelque violence de la part de son cousin, mais celui-ci le laissa quitter la pièce et la maison sans se porter à aucune voie de fête. Et tout cela s'était passé le jour des funérailles. Il n'y avait que 2 heures que Harry et le père de l'enfant s'étaient penchés sur la tombe. En pensant à tout cela, il éprouvait un profond dégoût. Combien vicieux et méchants étaient les gens avec qui il avait affaire. Et que devait-il penser de lui-même, fiancé à Florence et engagé aussi à l'égard de Lady Ongar? Son cousin même lui avait reproché sa perfidie envers Florence. Mais qu'aurait-il dit s'il avait tout su? En intervenant en faveur de Lady Clavering, n'avait-il pas agi indiscrètement de manière à provoquer le courroux de son cousin? Il avait agi sottement, croyant bien faire, quand il ne pouvait que nuire à Lady Clavering. Cette pensée ajoutait au trouble qui le bouleversait. Comment se dégager de la situation où il s'était mis à l'égard de Julie? En quittant Londres, il s'était promis de lui écrire et de lui faire connaître sa position. Mais un jour et une nuit s'étaient déjà écoulés et il n'avait pas encore écrit. Le soir, il raconta à son père sa dispute avec son cousin. Son père haussa les épaules et lui dit « Vous êtes bien plus hardi que moi. Je n'aurais certainement pas osé donner des conseils à Hughes sur ce qu'il doit faire de sa femme. Je ne lui ai pas donné de conseils. Je lui ai seulement répété ce que je viens de dire à sa femme. Si vous disiez qu'il a recommandé telle ou telle chose à ma mère, vous ne vous en formaliseriez pas. Mais c'est un original. Eh bien, il n'a pas le droit de l'être. Nul n'a le droit de s'offenser de ce qui se fait communément. Après tout, cela importe peu. Si votre cousin vous ferme sa porte ici ou à Londres, cela ne peut pas vous faire grand tort. Non, assurément. Mais je ne voudrais pas que vous puissiez croire que j'étais inconvenant à son égard. » La soirée se passa ainsi que le jour suivant, et Harry n'écrivait pas. Le 3e jour, après les funérailles, il apprit que Sir Hughes était parti, mais il ne songea pas à aller chez lui, puisqu'il en avait reçu la défense formelle. Il ne voulait d'abord rester qu'un jour ou deux, mais la fin de la semaine le trouva encore à Clavering. C'était la Pentecôte, il se dit qu'il ferait bien de prendre ses vacances. Sa famille était heureuse de l'avoir, mais on ne manqua pas de s'apercevoir qu'il avait quelques soucis, et Fanny remarqua qu'il n'avait pas prononcé une seule fois depuis son arrivée le nom de Florence. « Harry, dit-elle, il ne s'est rien passé entre vous et Florence. Rien passé, que voulez-vous dire? Elle m'a écrit aujourd'hui et me demande ce que vous êtes devenu. Les femmes veulent qu'on soit toujours à leur écrire. Je suis quelque peu en retard, je l'avoue. Je me suis relâché de ma régularité en venant ici, écrivez-lui demain, et dites-lui qu'elle recevra une lettre de moi dès que je serai de retour en ville. Non, pourquoi ne lui écrivez-vous pas d'ici ? Parce que vous pouvez le faire pour moi. Fanny vit bien que ce n'était pas là le langage d'un amoureux, ce langage qu'il avait tenu autrefois. Tandis que Florence était à Clavrine, il avait écrit régulièrement et Florence était toute fière des lettres qu'elle recevait de lui. Fanny ne fit aucune remarque, mais elle vit bien que quelque chose allait mal. Les choses allaient mal en effet. Il n'avait écrit ni à Lady Ongar ni à Florence, et plus il remettait la tâche, plus elle lui devenait difficile. Il se disait en ce moment qu'il n'écrira tous deux qu'après son retour en ville. La veille de son départ, il reçut une lettre de Stratton. Fanny était présente quand il la reçut et remarqua qu'il la mettait dans sa poche sans l'ouvrir. Il la garda ainsi tout le jour, tant qu'enfin il eut honte de sa faiblesse. Il finit par déchirer l'enveloppe et se fit violence pour la lire. Il n'y avait rien dedans qui pût l'alarmer. À peine contenait-elle un mot de reproche. « Je me demande, lui disait Florence, pourquoi vous êtes resté 2 semaines entières sans m'écrire. Cela me paraît étrange, parce que vous m'avez gâté par vos bontés. Je sais que les autres hommes, quand ils ont affaire, ne se donnent pas la peine d'écrire souvent. Théodore lui-même, qui au dire de Cécile est parfait, ne lui écrivait pas très souvent, et maintenant, quand il est loin d'elle, ses lettres ne contiennent que 3 lignes. Je suppose que vous voulez m'apprendre à n'être pas trop exigeante. Si cela est, je baiserai la main qui me châtie, mais j'y suis d'autant plus sensible que cette leçon n'est pas venue assez tôt. » Elle continuait sur son ton ordinaire, lui racontant ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait lu et pensé. Sa lettre n'exprimait aucun soupçon, aucune crainte, aucune jalousie. « Eh bien, se dit-il, elle n'aura plus aucune raison d'être jalouse. Il faut que l'une des deux soit sacrifiée, et il convient que ce soit Julie. » Néanmoins, il ne put se décider à écrire à Florence avant d'avoir écrit à Julie. Il ne pouvait envoyer des déclarations d'amour et de tendresse à une femme pendant qu'une autre femme le regardait comme son amant et son fiancé. « Votre lettre de ce matin est-elle de Florence ?» lui demanda Fanny. « Oui. A-t-elle reçu la mienne ?»« Je l'ignore. C'est probable. Si vous l'avez mise à la poste, elle a dû la recevoir. »« Elle aurait pu vous en parler. Peut-être en parle-t-elle. Je ne me le rappelle pas. » « Allons, Harry. Il ne faut pas montrer de la mauvaise humeur parce que j'aime la jeune fille qui doit être votre femme. Vous seriez peu satisfait si j'étais indifférente à son égard. Je n'aime pas qu'on m'accuse d'être de mauvaise humeur. Je n'aime pas non plus à vous voir de mauvaise humeur. Et quand je pense que vous vous en allez demain, vous ne m'avez pas dit un mot aimable depuis que vous êtes venu. » Harry se renversa dans un fauteuil. Il n'était pas assez faux pour dire des mots gracieux quand il avait le cœur souffrant. « Si vous avez des chagrins, Harry, je ne peux pas vous taquiner. »« J'ai eu des chagrins, en effet. »« Et je ne peux rien pour vous soulager. »« Non, vous ne pouvez rien. »« Nul n'y peut rien. »« Mais ne m'adressez pas de questions. »« Harry, sont-ce des affaires d'argent ?»« Non, il ne s'agit pas d'argent. »« Vous n'avez pas eu de démêlés avec Florence ?»« Non, ce n'est rien de semblable. »« Mais assez de questions. »« Ne parlez pas de cela à mon père ou à ma mère. »« Ce sera bientôt passé, et alors si je le puis... » Je vous en informerai. Harry, j'espère que vous n'allez pas vous battre avec Hughes. Me battre avec lui, oh non. Ce n'est pas cela qui dut m'effrayer. Mais il n'est pas assez fou pour se battre. S'il était dans un pareil cas, il se ferait remplacer. Mais il n'y a rien de pareil. Elle ne lui adressa plus de questions et le matin suivant, il retourna à Londres. Il trouva sur sa table un billet qu'il reconnut aussitôt être de la main de Lady Ongar et qui était arrivé dans l'après-midi du même jour. « Venez me trouver immédiatement, sans aucun délai. » C'était tout ce que le billet contenait.